toxicomanes de drogue. J'en ai leur vie pour un jet. Très vite, je suis sorti du nid. J'ai volé comme un oiseau avec Bobby et Johnny. On était seuls pour bateau. Elle veut que j'emmène dans les îles. J'ai trop de problèmes financiers. Je t'entends parler de la street. Mais en vrai, qu'est-ce que tu en sais? Prenez le salaire, ton gérant. J'claque à moitié chez LV. C'est pas j'encaisse à 5 balles aujourd'hui qui va me faire bander. Y'a certains qui me félicitent. Y'en a qui disent j'ai changé. La daronne est fière de moi. La police vient plus sonner. On dit que c'est pas une meuf bien. Je kiffe quand elle fait sa vie. Comme la forme banalisée. La retourner dans la ville. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est ça qui nous rend BG. J'ai vite compris dans la vie qu'un membre de ta famille peut te baiser. Jamais aller au lycée. À part pour tirer des meufs. J'ai activé une puce de Yankee. J'ai compris c'était quoi le PNL. 6h du mat, garde à vue. Minuit comme ta cellulaire. Comparaison immédiate. C'est plus là juste pour mineurs. 2, 3, 4 survettes de foot. J'ai cheaté quelques mandats. Pas besoin de te dire au bigot. Tu le fais si t'es mon gars. C'est plus pour mettre dans le dossier. Que l'OPJ veut sa top. Un petit appel anonyme. Et tu finis dans un camp. On fera toujours du sale. Ils ont pas passé le balai. Sur la bécane chaque été. Roue arrière sur l'allée. A plus de 200 pour l'auto. Pauvre style et thermo. Toujours fidèle à ma strip. Comme fusil à la Hermo. Toujours rester brave.